Chapitre deuxième. Mais enfin, Josiane, c'est insensé. Que s'est-il passé depuis hier qui motive tes décisions ridicules? Je t'aime, tu le sais. Je croyais que tu m'aimais aussi. Qu'y a-t-il? Jean Ferrand, exaspéré, marchait de long en large dans la loge de Josiane, un peu de temps avant la représentation. Au début de l'après-midi, la jeune femme lui avait fait porter un mot très bref où, sans explication, elle lui faisait part de son désir de rompre. En vain, Jean avait essayé de la joindre dans l'après-midi. C'est au théâtre seulement qu'il avait pu la retrouver, et il cherchait à démêler les motifs de ce qu'il considérait comme un caprice ridicule. Très calme, Josiane faisait front. « Il n'y a rien, Jean. Je suis simplement désireuse de reprendre ma liberté. Tu ne pensais pas que notre liaison allait demeurer éternelle. Tu en aimes un autre, et quand cela serait? Ne suis-je pas libre comme tu l'es toi-même? Qui est-ce? Je ne vois personne autour de nous qui... Ne cherche pas. Je te répète que je désire simplement reprendre ma liberté. Rien ne nous empêche de rester les excellents camarades que nous étions avant. Je t'aime, répéta Jean. Ne force pas tes sentiments, railla Josiane, un peu cruelle. Certes, nous formons un couple bien assorti dans le monde théâtral, mais il y a autour de toi des quantités de femmes qui seront ravies de te savoir libre et que tu ne demanderas pas mieux que de t'attacher. Que va-t-on penser autour de nous? C'est surtout cela qui t'occupe. Jean rougit un peu et ne répondit pas. Sa liaison avec Josiane, en effet, le flattait énormément. Il espérait suivre le char de l'artiste et profiter de sa vogue croissante. Cette rupture le laissait quelque peu inquiet et désemparé. Il dut se contenter de cette excellente camaraderie que lui offrait celle qui désormais refusait d'être sa maîtresse. Didier et Josiane s'écrivaient régulièrement de longues lettres tendres où la réserve du début avait peu à peu fondu, faisant place à un abandon plein de charme. Et puis, de nouvelles permissions avaient permis aux deux amants de se mieux connaître. Josiane savait maintenant que Didier l'aimait. Il le lui avait dit enfin, et la joie n'était pas feinte qui se lisait dans les yeux de l'homme à chacun des revoirs. Il lui consacrait tout le temps dont il disposait, ne faisant ses parents que les courtes visites indispensables, habitant complètement l'atelier de Montparnasse où Josiane savait lui rendre les heures si douces. Elle était heureuse, totalement. L'amour enfin était né. L'hiver avait passé, on était en mai. Didier était maintenant dans la ligne Maginot, trouvant les heures longues dans les casemates bétonnées. Quoi qu'il en eût, le deuxième classe était devenu lieutenant et, comme tout le monde, il trouvait interminable la drôle de guerre qui laissait inutiliser tant de volonté de vaincre. Dans sa dernière lettre, il avait annoncé à Josiane une longue permission de 10 jours et il en escomptait à l'avance toutes les joies. Mais les événements se précipitaient. Le 10 mai, la Belgique avait été envahie. Les troupes françaises reculaient, reculaient. La poche n'avait pas été colmatée, comme on s'était efforcé de le faire croire. Paris était menacé, et comme tant d'autres, Josiane était parti au hasard sur les routes de France les premiers jours de juin. Où était Didier? Sans nouvelles depuis la lettre où l'avocat annonçait la grande permission, Josiane souffrait affreusement. Et sa souffrance devint de l'angoisse au fur et à mesure que passaient les jours. La jeune femme, aussitôt qu'elle l'avait pu, avait regagné Paris, espérant y trouver une lettre. Didier était peut-être passé par Paris après son départ, laissant un mot. Peut-être, avec les unités en déroute, avait-il échoué dans un coin de France d'où il avait pu écrire. Mais rien n'attendait Josiane, rien que la douleur et l'inquiétude. Août passa. On était à la mi-septembre. La jeune femme s'était rendue chez les parents de Didier, mais l'avait trouvée porte close. Les Haulieu avaient quitté Paris pour une destination inconnue et ils n'avaient pas encore rejoint la capitale. Et Josiane ne connaissait aucun des amis de Didier, personne à qui elle pût s'adresser. Madame Gardet, que son état de santé avait obligé à rester, était elle aussi sans nouvelles de l'avocat. Et ce fut enfin la délivrance du cauchemar. Josiane reçut une lettre d'un naufrage lointain où Didier avait été envoyé, fait prisonnier après de durs combats dans la ligne fortifiée. Il s'inquiétait lui aussi du sort de Josiane et il priait. « Écris vite, ma chérie. Dis-moi que tu sortis indemne de l'orage. » Peut-être parce qu'il était loin et qu'elle osait davantage. Peut-être parce qu'elle espérait que cette révélation apporterait à Didier une joie immense. Peut-être aussi parce qu'elle ne pouvait plus garder son secret trop lourd. Josiane, dès sa première réponse, laissa voir pour la première fois la puissance de son amour, les racines profondes qu'il avait poussées dans son cœur. « Avant toi, écrivait-elle, je n'ai eu qu'une aventure, et je l'ai rompue dès le lendemain de la soirée où je t'ai gardé. Je t'aimais déjà, et je ne pouvais supporter l'idée d'un partage. Je t'aime et je t'attendrai, je te jure, car toi seul existes. » Josiane tint parole et elle y eut quelques mérites, car ce ne fut pas si facile. Dès octobre, les spectacles avaient repris et elle avait reparu sur la scène. On parlait beaucoup d'amour dans son métier, on y pensait, on l'incarnait, et la jeune femme était belle et ardente. À nouveau, Jean Ferrand était son partenaire. Mobilisé seulement en mars, l'acteur avait fait toute la retraite et c'est dans un village des Alpes qu'il avait appris l'armistice. Josiane lui en voulait un peu de cette chance, dont il n'était nullement responsable, qui avait permis à Jean de reprendre la vie au point précis où il l'avait laissée, alors que Didier se rongeait derrière les barbelés. Et pour combien de temps ? « Tu vois bien que je t'aime, » disait Jean, désireux de renouer. « Me connais-tu une liaison sérieuse depuis que nous nous sommes quittés ? Et ne comprends-tu pas le supplice que tu m'infliges de te serrer dans mes bras sur la scène et de me laisser seul ensuite, incapable d'oublier les baisers que tu m'as donnés autrefois ?» Mais aucun argument ne pouvait ébranler la résolution de Josiane de rester fidèle à Didier. Et s'il n'y avait eu que Jean? Mais il y avait aussi les autres, tous les autres, qui l'entouraient d'une atmosphère de trouble désir, voire de tendresse. Attiré par la personnalité de l'actrice, par sa beauté aussi, et par cette solitude farouche où elle semblait se complaire, combien d'hommes vivaient dans son sillage, essayaient de forcer son intimité, mettant une sorte de point d'honneur à forcer la forteresse que l'on sentait imprenable. Il y avait les riches, sûrs de la puissance de l'argent, les tendres, pleins d'intentions délicates, les mâles virils, les jeunes, imbus de leur beauté physique. À tous, Josiane résistait, serrant les dents lorsqu'elle se sentait attirée, lorsque ses sens étaient prêts à trahir, prête à parler plus fort que la raison. Elle résistait, et elle trouvait dans les lettres de Didier la récompense de sa fidélité. Sa promesse était sacrée, et d'ailleurs, qu'eût-elle cherché dans une aventure nouvelle, puisqu'elle avait trouvé l'amour. Ce soir-là, ce jour où la bieuse n'avait pu se retenir d'exprimer son admiration, on fêtait la centième de la pièce qu'interprétait Josiane. Après la représentation, la jeune femme devait retrouver une assemblée nombreuse dans une boîte de nuit en vogue, où des tables avaient été retenues pour cette manifestation à laquelle les journaux n'avaient pas manqué d'appliquer l'épithète de bien parisienne. C'est pourquoi Josiane avait revêtu la longue robe du soir qui la faisait si belle, si troublante. Elle jouait dans cette pièce le rôle d'une femme ensorcelante, hardie, féline, jouant assez méchamment avec le cœur des hommes, et ses admirateurs avaient tendance à croire qu'elle était vraiment cette femme-là. Ils l'identifiaient au personnage qu'elle incarnait avec une vérité presque criante. Et son voisin de table, un industriel connu, ami des arts, qui chaque soir fleurissait sa loge de gerbes coûteuses, savamment composées, lui faisait une cour pressante. Mais Josiane n'écoutait plus. Un nom avait frappé son oreille, prononcé non loin d'elle par un inconnu. On avait parlé de Didier Haulieu. « Un avocat parisien, » continua l'autre. « Nous sommes partis tous les deux par le sud de l'Alsace et nous avons immédiatement gagné la zone Nono. À Marseille, où j'ai laissé Didier, nous nous sommes procurés de faux papiers. » Et j'ai pu regagner Paris immédiatement sans aucun ennui. Le souper s'achevait. Quelques couples s'étaient levés pour danser et Josiane, soudain pâlie, sans plus s'occuper de son admirateur, se levait à son tour et s'approchait de celui qui avait parlé de son amant. « Excusez-moi, » dit-elle, « mais vous venez de parler de Didier Haulieu. Je suis une de ses amies et je serais heureuse d'avoir de ses nouvelles. Il s'est évadé, si j'ai bien compris. Mais oui. » Et je peux vous assurer qu'il est actuellement à Marseille en excellente santé. Comment avez-vous pu? Avec une facilité déconcertante. Nous étions dans le même Auflag situé dans la forêt noire, à moins de 200 kilomètres de la frontière alsacienne. Je ne sais par quel canal Didier a eu l'adresse de paysans allemands dont la maison se trouvait tout près du camp, des anti-hitlériens à n'en pas douter, fort sympathisants pour la France. Ils nous ont indiqué un itinéraire précis qui nous évitait toute rencontre fâcheuse. Le Rhin franchit à la nage, le reste n'était qu'un jeu. À Marseille, Didier et moi, nous avions des amis. J'avais hâte de revenir ici où m'attendait toute ma famille. Didier, lui, s'est un peu attardé, et ma foi, c'est assez compréhensible. Termina le narrateur en riant. Pourquoi ? Demanda Josiane surprise. parce qu'il s'est marié. Marié, Didier ? Mais oui, il y a 3 jours. C'est impossible. Pourquoi ? Je puis vous affirmer que c'est exact. Tout tournait autour de Josiane. Didier est marié. Elle n'arrivait pas à réaliser cette chose invraisemblable. Didier en aimait une autre qui sans doute lui écrivait au camp à qui il écrivait qu'il l'aimait, pendant qu'à elle, Josiane, il écrivait la même chose. Mais l'inconnu, conscient du trouble de la jeune femme, questionnait « Vous êtes surprise ?» L'actrice fit un violent effort pour retrouver sa voix naturelle afin de répondre « Ma foi, non. Je le savais fiancé, mais je ne pensais pas que tout cela aurait été si vite. Avouez qu'il y a de quoi être surprise, en apprenant en même temps sa libération et son mariage. » Didier est un homme d'action. Il m'a d'ailleurs averti de son retour à Paris, où il veut très vite reprendre ses activités au barreau. Et Josiane remerciait l'homme des nouvelles qu'il lui avait données si obligeamment. Elle prit congé rapidement de l'auteur, des personnalités présentes, prétextant une fatigue subite pour quitter un peu tôt une 100e si réussie. Elle avait hâte d'être seule, hâte de pouvoir souffrir sans contrainte. Comme une folle, elle revint à l'atelier de Montparnasse où tout lui sembla hostile, froid, mort comme son amour. Elle eut un long regard pour le divan bas où Didier, tant de fois, l'avait serré entre ses bras, pour la bergère où il était assis, ce premier soir où elle l'avait presque forcé à rester, et puis enfin, les larmes jaillirent, larmes de rage, de désespoir, larmes d'amour aussi, car elle aimait encore Didier, malgré sa trahison. Josiane sentait qu'elle ne pourrait plus vivre sans lui, sans l'espoir de le revoir, de sentir ses lèvres chaudes, son corps viril, ses caresses si douces. Ainsi donc, il l'avait trahi, et depuis longtemps sans doute, car on ne se marie pas en quelques jours au retour d'une longue captivité. Ce n'était pas un mariage de hasard, mais bien la conclusion d'une idylle, qui devait durer depuis longtemps, qui datait sans doute d'avant leur rencontre. Mais pourquoi alors, pourquoi lui avoir dit qu'il l'aimait? Pourquoi lui avoir écrit ces lettres folles de passion où il se montrait reconnaissant que Josiane se garda pour son retour? La jeune femme retournait dans sa tête enfiévrée toutes les données du problème, sans comprendre. Ce fut une nuit tragique, une nuit qui dura un siècle, et l'aube trouva Josiane encore debout, masque livide, plus blanc que le satin de la robe du soir, qu'elle n'avait pas songé à enlever. Un bout de force, un bout de larmes, elle se jeta sur le divan et le sommeil la prit enfin, pitoyable. « Le courrier, mademoiselle, je me suis permis d'entrer, » disait la femme de chambre, « car il est 10 heures déjà et le coiffeur vient tout à l'heure. » « Allons, il fallait rentrer dans la vie, puisque cette nuit Josiane n'était pas morte sur le coup. Il faudra seulement s'habituer à cette douleur qui collait à elle, comme une tunique trop bien ajustée. Impossible à dépouiller désormais. » D'un geste machinal, la jeune femme examinait les lettres amoncelées sur le plateau, et soudain, elle suspendit son examen rapide. Elle tenait en main une lettre de Didier, une vraie lettre, si différente des missives de Loflag, une lettre dans une enveloppe timbrée de Marseille, où elle reconnaissait l'écriture précise et nette. Le cœur chaviré, elle sortit le feuillet. Quelques mots seulement. « Chérie, je suis à Marseille depuis quelques jours. On s'occupe de mon identité nouvelle, et bientôt je serai près de toi. Je pourrai te redire ce que je veux aujourd'hui t'écrire seulement. Je t'aime. Didier. » Josiane, seule dans la pièce, éclata d'un rire nerveux. La détente après les heures cruciales de cette nuit. Comment avait-elle pu croire un instant que Didier était marié, folle qu'elle avait été de croire à une trahison possible de cet homme qu'il aimait? L'autre s'était trompé. L'évasion en commun était vraie, sans aucun doute. Mais l'histoire du mariage était fausse. Il avait confondu les noms. Didier marié n'aurait pas écrit ces lignes. Allons, Josiane n'aura pas été fidèle en vain. Son bel amour allait vivre enfin, s'épanouir sans contrainte, puisque pour Didier, la guerre était finie. Sans impatience, sans inquiétude, elle attendit le retour annoncé. Et 3 semaines plus tard, arrivait un télégramme. « Suis à Vierzon. Serai ce soir chez toi. Tendresse, Didier. » Josiane, ce soir-là, se fit remplacer au théâtre, prétextant un malaise. Elle voulait être là quand Didier arriverait. Elle ne voulait pas perdre une minute de sa présence. Et tout à coup, il fut là, dans ses bras, cherchant ses lèvres. « Toi, enfin toi !» Ce fut une étreinte folle. La joie indicible des corps qui se retrouvent, des mains qui se joignent, des regards qui se confondent. Maintenant, assagi, calmé pour un instant, il bavardait, assis côte à côte sur le divan. « Tu n'as pas changé, disait Didier. Tu es toujours aussi belle, aussi tentante, plus grave peut-être. L'attente a été longue. J'ai souffert de tes souffrances que je devinais malgré l'optimisme souriant de tes lettres. Les tiennes m'ont soutenu plus que tu ne peux le croire. Didier ne recevait-il que ses lettres? Josiane voulut retenir la question, mais elle passa ses lèvres malgré elle. Didier, est-il vrai que tu t'es marié? La réponse tomba, dure comme un couperet, malgré le ton enjoué qui contrastait bizarrement avec la gravité du sujet. Mais oui. Josiane pâlit, ouvrit la bouche comme pour une aspiration profonde, mais le choc avait été trop rude. Elle se renversa en arrière, d'un coup évanouie. Quand elle reprit conscience des choses, Didier était penché sur elle, une bouteille d'eau de Cologne à la main, frottant doucement ses tempes, la regardant avec une immense tendresse. « Mon petit, tu ne m'as pas laissé le temps de t'expliquer. » Mais Josiane sanglotait. « Il n'y a rien à expliquer. Tu es mariée alors que je me trouvais ta femme. J'étais si sûre de toi, si heureuse de ton amour retrouvé, des heures magnifiques que nous allons vivre. Et c'est une autre qui... « Calme-toi, ma chérie, je t'en supplie. Il n'y a rien de changé entre nous, je te le jure. Je ne me suis pas mariée par amour. Je n'ai d'ailleurs nullement l'intention de vivre avec celle qui porte mon nom. » Et comme Josiane le fixe avec des yeux interrogateurs, encore plein d'angoisse, Didier poursuivit. « Tu vas comprendre. Écoute l'histoire, car c'est toute une histoire. J'ai connu Elisabeth Dietrich bien avant la guerre. Une courte aventure qui s'est transformée très vite en une solide camaraderie. Elisabeth est alsacienne. En 18, son père a opté pour l'Allemagne. Il est allé vivre dans la forêt noire où il avait de la famille, emmenant son fils aîné, tandis que sa femme, française de cœur et heureuse que son Alsace redevint terre de France, restait en Alsace avec sa fille Elisabeth et son fils cadet. Elisabeth est venue faire ses études à Paris et après la mort de sa mère, elle y est restée. Très douée pour la peinture, elle s'est fait un nom et elle aime profondément son art auquel elle a tout sacrifié, même les joies d'un foyer. C'est une fille très chic, toujours prête à rendre service, disposant d'une fortune suffisante pour se laisser taper, bien souvent par des camarades d'atelier qui oublient de régler leurs dettes. Elle est si française de cœur que lors de l'occupation, elle est restée dans le Midi pour ne pas vivre dans Paris occupé aux côtés des vainqueurs. Son frère cadet d'ailleurs a combattu dans nos rangs et il est maintenant passé en Angleterre auprès de De Gaulle. Tu imagines facilement combien son cœur est déchiré. Son père, qu'elle aime malgré tout, et l'un de ses frères, dans l'armée allemande, l'autre frère, de l'autre côté. Mais elle vient d'avoir de graves ennuis. Son frère aîné, qui fait partie de la commission d'armistice de Marseille, est allé la voir dans sa petite maison des Martigues. Et cette visite d'un officier allemand a fait jaser. Des voisins qui ne la connaissent pas ont fait des démarches inconsidérées. Bref, lorsque je suis arrivé à Marseille, elle était menacée du camp de concentration. Une seule chose pouvait la sauver, devenir française par un mariage quelconque. Je me suis offert et tout a été bâclé très vite. Mais comment as-tu su qu'elle était là-bas? C'est elle qui, de loin, a aidé à mon évasion. Elle qui a fait prévenir les paysans qui nous ont procuré des vêtements. J'ai su, depuis, que ces gens étaient ses obligés. Tu conçois que je lui devais bien de l'aider après le service qu'elle m'a rendu. J'étais certain que tu serais la première à m'approuver. Je ne me trompe pas, n'est-ce pas? Josiane, peu à peu, s'était calmée en écoutant le récit de Didier, mais elle demanda encore, mal convaincue. « Tu l'as aimé cependant. Tu l'aimes encore peut-être, et ce mariage vous a rapproché. Il n'y a rien eu entre nous, je te l'assure, » affirma Didier. « Mariage blanc, c'est une très vieille histoire, une aventure de jeunesse, qui, je te le répète, n'est plus qu'une affectueuse camaraderie doublée d'une amitié sincère autant que fraternelle. Elle porte mon nom, c'est tout. C'est ainsi que je devais me conduire envers elle, pour acquitter ma dette de reconnaissance. Mais moi, gémit Josiane, moi qui t'ai attendu, qu'est-ce que je deviens dans tout cela? Je suis là, voyons, ma chérie. Je ne te quitte plus, nous vivrons ensemble. Je te sais assez affranchi des préjugés pour que cette situation ne te choque pas. Bien sûr, dit Josiane amère, douloureusement blessée. Je ne suis pas une femme qu'on épouse, puisque je t'aime, dit encore Didier. Que faut-il te dire de plus? Et il la tirait dans ses bras, le berçant comme un enfant, embrassant ses cheveux à petits coups, prenant ses lèvres doucement, avec une telle tendresse que la jeune femme se sentit vaincue. Mais le choc avait été trop rude. Josiane ne pouvait oublier l'existence d'Elisabeth, de celle qui, quoi que pût en dire Didier, était la femme légitime. L'actrice faisait des efforts désespérés pour être heureuse, pour jouir pleinement du bonheur retrouvé, pour répondre comme il convenait à l'inquiétude de Didier. je m'applique à être heureuse, pensait parfois Josiane, quand elle essayait d'écarter l'unique mais combien grave motif de souffrance. Elle ne put cacher sa jalousie. Elle fit des scènes, elle fut méchante. Sans raison apparente, elle jetait le nom d'Élisabeth dans la conversation. Sous le moindre prétexte, elle remarquait la voix mauvaise. « Bien sûr, je ne suis pas ta femme. » L'avocate traitait Josiane un peu en enfant gâté. Autant que possible, il évitait les scènes. Mais lorsque l'orage avait éclaté, il courbait le dos, calmait la jeune femme avec tendresse, détournait son attention du sujet pénible et combien dangereux pour leur bonheur. Vint le jour où les autorités occupantes ayant autorisé les tournées théâtrales en zone sud, Josiane se vit offrir un contrat tentant pour partir en tournée avec la pièce dans laquelle elle venait à Paris de connaître un magnifique succès. On devait commencer par Marseille, remonter sur Lyon, filer à Saint-Étienne, puis à Bordeaux, Nantes, Tours. « J'accepterai si tu m'accompagnes », avait tout de suite déclaré Josiane. « Voyons, chérie, je ne peux pas lâcher mon cabinet pendant si longtemps, mais je t'accompagnerai volontiers à Marseille. Bien sûr, une bonne occasion pour voir ta femme. Je verrai Élisabeth, certes, mais tu la verras aussi. Je lui parlerai de toi et je sais qu'elle sera heureuse de te connaître. Pas moi, je ne veux pas la voir. Tu réfléchiras. Je ne t'accompagnerai à Marseille que si tu consens à voir Élisabeth. Je te répète que c'est le seul moyen de retrouver la paix qui te fuit, qui nous fuit, devrais-je dire, depuis mon retour. » Et Josiane céda, un peu par faiblesse, parce qu'elle souhaitait que Didier fît avec elle la première partie du voyage, un peu par curiosité aussi, pour voir le visage de celle qu'elle persistait à croire sa rivale.